qui font sourire, et pour le seul plaisir d'en trouver des nouveaux, je veux savoir parler pour ne rien dire, comme les gens bien, ça sera mon métier demain. Dis papa, pourquoi ça n'existerait pas? Il faut bien des gens pour faire toutes ces choses-là. Dis maman, comment ils ont appris tout ça? Je veux en faire autant lorsque je serai grand. Dans l'usine de tonton qui fabrique des bonbons, je serai faiseur de bulles pour tester les formules, ou encore goûteur d'échantillons. C'est ma passion, j'en ferai ma profession. Dis papa, pourquoi ça n'existerait pas? Il faut bien des gens pour faire toutes ces choses-là. Dis maman, comment ils ont appris tout ça? Je veux en faire autant lorsque je serai grand. Surveiller les étoiles pour ne pas qu'elles s'en aillent, allumer le soleil le matin au réveil, je pourrais enfin toucher le ciel et m'envoler, c'est le plus beau des métiers. Dis papa, pourquoi ça n'existerait pas? Il faut bien des gens pour faire toutes ces choses-là. Dis maman, comment ils ont appris tout ça? Je veux en faire autant lorsque je serai grand. Faire des trous dans le gruyère, ou bien remplir les œufs, peindre les arbres en vert et les zèbres rayés, il faut bien pour faire tourner la terre comme un ballon, bien des gens pour pédaler. Dis papa, pourquoi ça n'existerait pas? Il faut bien des gens pour faire toutes ces choses-là. Dis maman, comment ils ont appris tout ça?